Il ne nous reste actuellement plus qu'une seconde avant la suite. Mais quelle va être cette donc suite? On peut se le demander, car comme nous le disions à l'instant, comme je disais à l'instant, le 23 février 2018, sur Canal Sud, Nuisance va battre son plein jusqu'à pas d'heure. Faire le plein de Nuisance, c'est de battre jusqu'à pas d'heure. Sur Canal Sud, sur Canal Sud. Canal Sud. Alors tout ça pour vous expliquer que bah, c'est bien aujourd'hui le jour de la merde. La sainte merde, c'est pour aujourd'hui. Alors tout ça pour vous expliquer que c'est bien aujourd'hui le jour de la sainte merde. Alors tout ça pour vous expliquer que... Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Yeah. Nous allons actuellement vers une destination proche du néant. Déjà vu la chose sans carapace, dorée comme limace dorée moisie, cramoisie au four, tu vois ce que je veux dire, livide, blême, blafard, deux fois trois, et c'est encore la même chose. Et c'est toujours la même chose, deux fois trois. Ça reste deux fois trois la même chose, tu sais. Tu sais. Tu connais la réponse à deux fois trois. La question c'est pas ça. La question c'est pas ça. La question c'est pas ça. La question c'est ça. La question c'est ça. J'entends pas.

Avez-vous déjà entendu quelque chose de nu? C'est vous. Avez-vous déjà entendu quelque chose de nu? C'est vous.

ready. To become ready. You're ready. You're ready to become, man. Jamais, pour toujours, de maintenant à jamais, toujours. Le maintenant ne toujours pas sur le maintenant, jamais, à toujours, pour toujours, jamais, à toujours, maintenant, jamais. Ce qui arrive, vraiment, attends, ce qui arrive, seulement,

Sud. Téléphone le 05 61 53 36 95. Téléphone le 05 61 53 36 95. Téléphone le 05 61 53 36 95. Danube, man. It's the Blue Danube. It's the Blue Danube in here. It's all over everywhere. It's all over everywhere. Now, where are we going? Oh, boy. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Volontaire ou si c'est une personne gentille. On transforme en méchante. On est dans un environnement type hôpital, une pièce toute blanche avec des lits et des lavabos en inox. Au début, je me demande s'il n'y a pas une troisième personne dans la pièce. Allongé aussi. Moi, je suis sur un lit. L'autre se lève, super faible et vomit. Un geyser de sang dans le lavabo à côté de moi, elle remplit le lavabo. Avec son sang. Je me lève et vais cracher un caillot de sang dans le lavabo. Dans le lavabo, le sang. À côté de son lit, à côté d'un truc qui ressemble à un organe. Un organe ressemble à un truc. Un organe ressemble à un organe. Un truc sans organe. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est clair. J'allais dire la même chose. électrique. Je me retrouve couché sur son lit. Son lit de cendre. Elle est penchée au-dessus de moi. Couché sur son lit. L'air machiavélique. Et tout en se demandant à quoi sembler, l'inespoir émerge du noir dans les brumes. Elle dit. Elle dit qu'elle va m'affaiblir. Elle dit qu'elle va m'affaiblir jusqu'à ce que je meure. Enfer et damnation. Jusqu'à ce que je meure. Enfer et damnation. Jusqu'à ce que je meure. Aussi dire de la merde à l'envers ou au ralenti. Disons au ralenti pour commencer. Au ralenti pour commencer. Est-ce qu'il y a du caca dans le cauchemar ? Je suis à une sorte de cirque en plein air. Certes, c'est un chapiteau, mais c'est dehors. Le chapiteau, il est ouvert. Il y a qui va voir le type qui fait le son. Qui fait le son et qui veut que je sorte un truc pour l'after. Que je joue. Je lui dis que j'ai pas envie, mais il insiste, je dois insister à sa suite. C'est très désagréable. Je lui dis que j'ai pas envie, mais il insiste. Je vais aux animations. Au fond, il y a un mec qui fait un numéro où il avale des poulets. Vivant. Ils sont vivants, mais ils ont l'aspect de poulet grillé en broche. Il y a juste la tête qui dépasse de sa bouche ou l'arrière-train. C'est vraiment dégueulasse. C'est là le drame de la société tout entière, de cette naphtaline, la naphtaline que l'on produit en masse, qui tue les pauvres moustiques, et qui tue aussi les vaches, et les autres aussi, et tous les vachers, et tous les cons du monde entier. C'est ça le problème, c'est la naphtaline. Allez, go, go, go, go, go! Naphtaline à mort! Je fais un scandale! C'est ainsi que le drame continue en discontinuité. C'est bilatéral. Et là, il y a une meuf qui prend conscience de sa condition de poulet. Elle enlève des trucs de ses yeux, des fossiles ou du maquillage. Mais c'est un truc de poulet. Il y a une meuf qui prend conscience de sa condition de poulet. Elle est ultra choquée et vénère. Elle vient de se rendre compte qu'on lui a menti depuis le début, qu'elle n'est pas un poulet, que tout ce qu'on lui a dit, ses souvenirs, sont faux. Après, ils crèvent comme les autres poulets. Parce qu'on n'est pas tous des poulets. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on va crever, hein. Moi, je veux pas être un poulet. Je suis pas un putain de poulet. Il y a pas moyen. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un poulet ce soir. Parce que j'en ai rien à foutre de crever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que nos ailes vont rester? Je suis pas sûr, mec. Ouais, je m'en fous de mes ailes. Tant que je suis un poulet, je m'en tape. C'est comme un mec sans pied, quoi. On s'en fout, c'est quand même un mec, tu vois. Un vrai. Poulet de KFC. Poulet de KFC, quoi. Attends, j'ai un truc à dire à propos de KFC. Je me souviens plus, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. KFC. KFC. Je sais pas, j'en sais rien. Les poulets noyés. Kill fucking shit. Avec un C, ouais. Shit. Comme shit à bagarre. Shit à bagarre. Kill fucking chicken, quoi. Chicken? Chicken run. Run away. Et chicken. Chicken burn. Burn chicken. Burn. Burn. Pleurer. Descends de la bagnole. ton fric. Je pense que tout est un merdier. La bourse ou la vie. Et la vie. Je peux pas lâcher prise. La vie, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Mon contrôle freak est une tour de pise. Tour de piste. Qui me fait pencher, pencher, pencher. Donc les petits poulets. Cote, cote, Kodak. Je ne sais pas quand ça va cesser. Prout. Et c'est là le drame de nos vies actuelles, couvertes de stupre et de stupeur. La liberté n'existant jamais, même pas en concept, même pas en concept, même pas en concept, même pas en concept, même pas en concept, la liberté n'existant certainement jamais dans ce pays, jamais, jamais, jamais. Et c'est là le drame, c'est là le drame de cette circonstance actuelle que l'existence. Et c'est là le drame, c'est là le drame de cette circonstance actuelle, de l'existence actuelle, que l'existence. Et c'est là le drame, c'est là le drame de cette circonstance actuelle, de l'existence. Comment construire dans les déchets? Les angoisses s'amoncellent. Ça m'encèle. Les angoisses. Ça. Mon. Ça. Les angoisses. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Les angoisses s'amoncellent. S'il me semble. Avancez. Thank you. poil solide. Un poil solide. Un poil solide. Solide. Est-ce que ça sort dans la radio? Ça sort pas, ça reste dans le casque, c'est ça. Est-ce que ça reste dans la radio? Le casque mou, le casque turbulent mou et rétrovisé, c'est la merde. C'est ça le casque, et ça sort dedans. Je sais, ça veut rien dire. Nuisance. Émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, 40 rue Alfred Dumerville, 31 400 Toulouse, France. Toulouse, la France. Chaos. La France du chaos. La France du billet vert. La France du casque. La France du pétrole. La France du poulet. On a le poulet et on a le fric. Les petites souris, alors qu'est-ce qu'elles font les petites souris sur les gros boutons à côté du casque? Qu'est-ce qu'elles font les petites souris? Est-ce qu'elles rentrent dans les casques les petites souris, ou est-ce qu'on les entend ailleurs? Ou qu'est-ce qu'elles font les petites souris? Est-ce qu'elles sortent dans la radio, ou est-ce qu'elles passent par ailleurs? Elles se barrent avec un gros trait noir. Barrer les souris parce qu'elles sont mortes. Elles sont juste enregistrées au préalable avant de mourir. On peut les repasser encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je nage dans la piscine, mais y a pas d'eau, comment je vais m'en sortir? Où il est le petit pull, il est même pas marine comme cette connasse, il est même pas marine, il est tout troué au fond de la piscine. Et la petite souris? Ouais, j'ai passé un CD maintenant. On va décéder maintenant, ouais, comme maintenant. Toutes les petites souris du monde et tous les poulets. Entier même. Poulet entier, je veux dire. Parce que le monde, je sais pas s'il est entier, il est fractionné par par les fractionnalités, tu sais, le monde, et tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, je sais, ouais. Aussi. Ça me fait pareil. Le monde, quoi. Tout un monde. Un monde derrière nous. C'est dans le passé, le monde, tu sais. Petite souris. Non, non, j'arrête, c'est franchement... Non, mais le monde, je veux dire, ça me fait trop rire. Les super pouvoirs, les super pouvoirs. Les super pouvoirs des documentaires sur Arte. J'adore les documentaires. Comme ça, je peux me cultiver. Et lire des super journaux en papier. C'est super pour mon intellect. Je me sens tellement, tellement, tellement parfaite. Merci Bolloré. Merci pour la lobotomie. J'adore les mots croisés aussi. Et puis surtout l'horoscope. Un requiem pour l'ampoule rouge. Elle est morte. Idol synthétiseur. Les petites flèches trouvent le bonheur. Stay tune, stay tune. Canal Sud. Mange des chips. 32.2, mange des chips sur Canal Sud. Et c'est tout. Comment détruire l'inexistence, si les essences incluent toi, est une épreuve sadique des mois. Impossible de trouver un sens, trouver la cible, tu es le rang. Et c'est à ce moment précis que survint le méfait, la malfaçon, le factice, la brume, ouais la brume, sans se marrer. Vous écoutez mon émission de merde pendant que je vous raconte des conneries, mais en fait, j'ai rien à dire, et vous le savez très bien, et ça me fait marrer moi, ouais je sais, ouais. Avec ces cadavres de poulets, maintenant. Et si on les tuait? Et si on les tuait? Et si on les tuait? les tuer? Et si on les tue? Et si on les tue? Et si on les tue? Que j'étais en parfaite santé. En parfaite santé. Mon médecin traitant a déclaré que j'étais en parfaite santé. C'est quand qu'on crève? De trouver un sens. Trouver la cible, tuer le vent. Nager sans membres, vers le fond d'une piscine sans eau. Sacrée mission. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais pourquoi on est là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton fond? Dans ton fond, dans ton fond, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tes parents comme partout? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a au fond du rang? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'en penses-tu? Pourquoi? Quand est-ce qu'on crève? J'en sais rien. Demain peut-être. C'est tous les jours demain de toute manière. Rigoler, tu connais mon humour. C'était pour rigoler. Quand est-ce qu'on crève? J'en ai rien à foutre. Je m'en tape. C'est pour rigoler. De toute manière, on rigole pas. On rigole pas. On rigole pas. On rigole jamais. Ça on rigole vrai. Pas. On rigole pas. On ça rigole jamais. Vrai. Jamais. Pourquoi jamais. On se marrait d'abord? On va crever. On va pas on rigoler. Est bien trop triste pour rigoler. Ouais, c'est clair. On va être triste. Ouais, triste. Ouais, ouais, on est triste. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je suis triste, ouais. Triste. Triste à mourir. À mourir même que je suis triste. Triste à mourir. À mourir même que je suis triste. On rigole pas, on rigole pas, on rigole pas, on rigole pas. Allô maman, tu m'entends? Allô? Je peux pas te répondre, je suis à la radio. Comment tu peux me dire ça? C'est la troisième fois que j'appelle, merde. Mais je suis désolée maman, mais je suis occupée. Ouais, je sais, mais c'est chiant quoi, à chaque fois je te rappelle. Mais je travaille pas, mais j'ai une vie, tu sais. Ouais, moi aussi, tu sais, moi aussi, je sais, moi, tu vois. Bon, écoute, tu sais que ça va pas fort en ce moment, mais je te rappellerai demain, d'accord? Et toi, tu sais, hein? Oui, je sais, mais excuse-moi, mais je sais que papa m'a dit que t'allais pas bien, mais... Ouais, mais moi, je sais, tu vois. Maintenant, tu comprends, je cherche du travail, je te promets, je te jure, c'est vrai, je vais essayer de me réinsérer, mais là, c'est pas facile. Cool, c'est chouette, ma fille. Ma fillette, c'est sympa pour toi de te réinsérer, ouais. Est-ce que tu sais d'abord? Parce que moi je sais que tu sais. Mais est-ce que tu sais que tu sais que moi je sais que tu sais? Je sais que tu sais, hein? Que tu sais qui tu es. Hein? J'entends pas, je suis vieille. Allô? Allô? Je passe dans un tunnel. Ouais, d'accord. On l'a déjà faite celle-là. Ouais, je connais, ouais. Ciao. Maman? Ce soir. coup ce soir. C'est vachement cool, j'aime bien. C'est chouette. La crise économique, c'est pas mal. Ça me fait penser à la crise financière un peu, la crise économique, tu vois. C'est pas comme si... C'est pas comme si vraiment... Non, mais enfin... Voilà quoi. Parce que franchement, je suis d'accord avec moi-même. Ce qui est déjà pas mal, non. On dit rien, ça me va. Auditeur, auditrice, vous écoutez Nuisance. Nuisance. Sur Canal Sud. Avec des gens qui peuvent se présenter s'ils veulent. Ouais. Viens dans le studio. Triturer le micro. Ici, on a des chips. C'est comme la température du frigo, quoi. C'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu normal d'avoir froid. Congélateur. Frigo. J'ai été dans un grand congélateur. J'adore l'odeur des congélateurs avec plein de fœtus. Ouais, tu vas où là? Tu vas où là? Je te parlais. Ouais, c'est dégueulasse, quoi. Tu parles de cœur de fœtus pendant que tu parles à mon pote là. Des gens qui ont des amis en fœtus. Ouais, c'est grave, c'est petit d'ailleurs, il faut dire. Moi, je parle toujours à mes amis fœtus dans mon congélateur. Un fœti, tu vois, confetti, tu vois. Les confetus. Un fœtus, des fœtus, c'est merde, quoi. Enfin, excuse-moi, je connais mon latin. Enfin, je suis désolé de dire merde comme ça à la télévision, en radiophonique, mais je redirai, allez, merde. J'en ai rien à foutre. Merde. Ouais, c'est ça, ouais. Happy birthday, congélateur. Ouais, merde. Ah, pardon, c'est pas toi que je disais, c'était... Tu es né le jour de ta mort, tu es mort le jour de ta naissance, ouais. Joyeux congélateur. Je suis qu'une merde. Merde. Et c'est à ce moment précis que la conscience remue. Elle remue du nez. Vous êtes né où? Et quand? T'es né où? Et d'où tu viens? Et d'où tu viens? Ah ouais? Et d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu m'entends? Eh oh! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est à toi là ce que tu fais là? Non. Non, non. C'est pas à moi non plus, non. Ah ouais, j'y sais, ouais. Ah, t'es dégoûté, hein? Bien fait pour ta gueule. Bah moi, tu vois, j'ai fait l'Argentine, j'ai fait les Pays-Bas. tu racontes? T'as fait des pays, t'as fait quoi? T'as rien fait, ta vie c'est quoi? Des confettis. C'est bientôt fini, vous dérangez pas pour éteindre le poste, ça sert à rien d'éteindre le poste. C'est bientôt fini cette merde, je sais, c'est moi, j'en ai rien à foutre, comme d'habitude. Nuisance, hein, une émission qui met au sens, une émission de tous les contresens. Et de la nuisance à l'état épuré, donc sans jugement, on n'est pas dans le jugement moral ici, donc on peut dire de la merde, dire librement des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc qui n'ont donc aucun sens logique. Tout cela dit de façon niaise et complètement avolte. Excusez-moi encore pour toutes ces niaiseries avolte, c'est tout. Une contrefaçon cynique, une vision cynique, cynique s'il en est une, de vision cynique de la société actuelle et du système qui nous pend au nez dans toute sa mesure. Le système avec sa machinerie molle et toute sa substance honorifique qu'on emmerde et qui nous fait chier. Donc il faut vraiment en parler, c'est super important. Je trouve que c'est le moment ou jamais. On va parler de merde et de caca d'oie. Merde, caca d'oie. C'est à nous. Merci. Merci aux merdes et caca d'oie. Merci à toi. Merde.

séance, c'est fini. Merci à tous les participantes. Et passez une bonne nuit, tout le monde, en la compagnie, ou pas, des bandes de Canal Sud qui tournent toute la nuit pour vous. Ouais.